Cette route de campagne est large et visiblement peu fréquentée. La ligne discontinue autorise les dépassements. Je ne suis pas sur le point d'être dépassé. C'est tentant, mais il vaut mieux freiner son ardeur et attendre d'avoir passé ce virage dans lequel la visibilité est masquée partiellement par ce bel arbre et ses herbes hautes. Je ne dépasse pas pour le moment. Réponse B.